Guy et Sylvain, dans le grand livre aux pages jaunies que vient de leur ouvrir le professeur et Lamondieu, entreprennent la lecture de la touchante histoire de la Linotte. Née des amours du Rhône et de la Saône, la Linotte, charmante petite rivière, prit sa source par un clair matin d'avril. Toutes les divinités lacustres et fluviales étaient présentes à sa naissance et les plus heureux présages semblaient présider à sa destinée. Ses premières années s'écoulèrent, douces et tranquilles. Son père, le Rhône, établit en aval de Lyon un barrage pour que l'eau dont elle était nourrie fût exempte d'impureté. Gâtée et dorlotée par sa mère, la Saône, elle devint vite un adorable petit ruisselet, puis un ravissant ruisseau qui faisait l'admiration de tous et de toutes. « Petit ruisseau deviendra grand ?» lui murmurait parfois le vent par les chaudes soirées d'été. En effet, elle grandit, et de ruisseau un beau jour devint rivière. Ah, la délicieuse petite rivière que la Linotte, et comme son nom lui allait bien. Gracieuse, fine, claire, limpide, avec un teint transparent qui lui donnait un aspect d'infinie pureté. Un peu étourdie aussi, elle s'allongeait paresseusement, s'étirait, serpentait à travers les vignes, s'arrêtant parfois sur un banc de galets pour s'offrir à la caresse du soleil qui la faisait miroiter de mille feux étincelants. Les peupliers, au passage, y faisaient signe de leurs basses branches, les roseaux se penchaient sur elle, et les saules pleuraient des larmes de joie et d'émotion. Bref, sautant, caracolant, courant, malgré la défense de ses parents après les libellules, sous l'œil indulgent des ajoncs, car on sait que les ajoncs sont de braves gens. La nuit, la lune lui prêtait pour jouer ses plus beaux reflets d'argent, et ne mettait jamais en s'en allant de lui laisser un croissant pour son petit déjeuner. La brise et le zéphyr venaient lui murmurer les beaux refrains qu'ils avaient rapportés de leur lointain voyage. Et puis, un jour qu'elle avait fait une course plus longue que d'habitude, elle aperçut, au détour d'un rocher, un magnifique torrent qui dévalait à toute allure. Le flot battant, elle s'arrêta dans sa course de courant coupé. Ce fut le coup de foudre. Et, la nuit suivante, le beau torrent vint la rejoindre dans son lit. Il la quitta au matin sur la promesse de confluer légalement avec elle. Hélas, promesse de torrent, autant en emporte le vent. Il disparut, et la pauvre petite Linotte, inconsolable, se mit à dépérir. Elle devint trouble, grise, puis verte, et se dessécha, peu à peu. Des traînées de sable, de vases apparurent. Des rides, des plis, des sillons flétrirent sa surface jadis si limpide, si translucide. En vain ses parents lui donnèrent-ils leurs plus beaux poissons, elle n'y prêta même pas attention. En vain son oncle, le gave de Laurent, lui envoya-t-il ses plus belles pierres. Elle s'étiolait de plus en plus. Et puis, un soir d'hiver, comme ivre de désespoir, elle sortit de son lit malgré le froid glacial et fonça droit devant elle. Écumant de douleur, rugissant comme une lionne blessée, elle emporta tout sur son passage. Tronc d'arbre, pont, barrage, tout fut balayé comme fait une paille. Son père, le Rhône, fit un crochet pour tenter de lui couper la route. Elle se cacha au creux d'une vallée, bondit par-dessus les canaux, se cogna dans une écluse, fit demi-tour, repartit et arriva enfin en vue de l'Atlantique. Tous les cours d'eau alertés par les sirènes et les tritons se mirent à sa poursuite. Trop tard. La Linotte, en une ruée sauvage, se jeta dans l'océan qui l'engloutit à jamais. Le Rhône et la Saône prirent le deuil et se couvrirent de brouillards épais. Longtemps, leurs flots demeurèrent noirs et les bateliers se signaient en les entendant gronder de douleur. Et parfois en mer, quand les bateaux de pêche sont au large, un marin étonné s'écrie « Il n'y a plus de courant ici. On dirait qu'on est sur de l'eau morte. » Eh oui, brave pêcheur, de l'eau morte. C'est l'âme de la petite rivière qui, de temps à autre, remonte à la surface pour rappeler aux humains trop sceptiques qu'on peut encore mourir d'amour. La nuit était presque tombée quand Guy et Sylvain terminèrent leur lecture. Sur un signe de Léon, ils se levèrent et tous trois sortirent silencieusement sur la pointe des pieds. Le vieux professeur, le visage éclairé par un sourire d'ange, s'était endormi. À suivre rêveusement et songeusement. Guy et Sylvain viennent de lire, les larmes aux yeux et larmes à la bretelle, l'émouvante et touchante histoire de la linotte. S'il est un problème qui, peut-être plus que n'importe quel autre, passionne à autre lieu tant l'opinion publique que celle des sphères dirigeantes, c'est bien celui de l'urbanisme qui, comme se plaisait à déclarer son excellence Alexandre Lehian, est à l'amélioration de l'habitat et que le gilet de corps est à la protection des bronches. Cette belle parole avait fait fortune et on la trouvait gravée au fronton de presque tous les édifices nouveaux. Mais si l'urbanisme à autre lieu avait pu être poussé aussi loin et aussi victorieusement, le mérite en revenait de loin à un homme de génie, au célèbre architecte Hasdrubal Rabindranath Duval, une créature et une trouvaille d'Alexandre Lehian, qui, alors que le futur bâtisseur n'était encore qu'un humble friseur d'architrave chez un marchand de chapiteaux en solde, avait su deviner ses immenses possibilités. Cette découverte avait été d'ailleurs fortuite. Un jour, que flânant incognito par les rues de la ville, il s'était arrêté devant l'inventaire du marchand de chapiteaux chez lequel travaillait pour un salaire de famine Hasdrubal, il entra pour marchander un chapiteau qui lui plaisait et dont il avait l'intention de faire don au cirque municipal. Dans un coin sombre de la boutique, un jeune homme travaillait sur une épure. Et Alexandre ne lui prêta qu'une médiocre attention. Il négocia son achat, mais au moment de sortir, il s'arrêta pile. Car, ayant machinalement et distraitement tendu l'oreille, il entendit le jeune friseur d'architrave murmurer « On dira ce qu'on voudra, mais tout compte fait, le carré n'est en somme qu'un triangle qui a réussi ou qu'une circonférence qui a mal tourné. » Ce fut une révélation. Alexandre comprit sur le champ tout le parti qu'il avait attiré d'un adolescent capable de prendre à son compte pareille définition. Et il appela le patron. « Combien, jeune homme » demanda-t-il. Le marchand de chapiteaux énonça un chiffre. « C'est bon, enveloppez-le-moi, je l'emporte. » Et, dûment emballé et ficelé, Hasdrubal Rabindranath Duval prit, sous le bras du gouverneur, le départ vers la gloire et la renommée. Alexandre Lehian ne s'était pas trompé. Il avait vu juste. Il s'attacha à la jeune Hasdrubal et celui-ci, libéré des soucis sordides du pain quotidien, ne fut pas long à donner toute sa mesure. Et celle-ci était infinie. En moins de 5 ans, et en un peu plus de 3, il devint l'architecte en chef du gouvernement d'autre lieu. Ça n'alla pas naturellement sans pleurs ni grincements de dents. Envieux, incapables et jaloux s'en donnèrent à cœur joie. En vain, Alexandre Lehian n'était pas homme à se laisser influencer. Lassé, l'opposition à la longue finit par désarmer. Et Hasdrubal Rabindranath Duval triompha, modestement d'ailleurs, car c'était un homme simple et exempt d'orgueil. Aujourd'hui, ses réalisations, toutes plus sensationnelles les unes que les autres, ne se comptent plus, et on ne sait en vérité laquelle admirer davantage. Cependant, Hasdrubal Rabindranath Duval a tout récemment trouvé le moyen de se surpasser encore par une véritable révolution qui plongea dans la stupeur des milieux compétents, mais ne surprit pas outre mesure le gouverneur qui savait que la devise d'Hasdrubal était « Quand on n'avance plus, on reste sur place ». Donc, cette extraordinaire réalisation est, mais n'anticipons pas, et remontons à l'origine de cette ultramoderne conception. Un soir, Hasdrubal Rabindranath Duval se promenait en compagnie d'un de ses disciples. Il s'arrêta un long moment devant le Craspet Palace, le plus beau cinéma d'autre lieu, son dernier né. Il examina minutieusement l'édifice, puis, hochant la tête, il murmura « Pas mal, pas mal. Mais la prochaine fois, je mettrai l'entresol au rez-de-chaussée. » Son disciple buvait ses paroles. Les deux hommes, poursuivant leur promenade, parvinrent jusqu'à la gare, y pénétrèrent et gagnèrent les quais. Un train était là, à l'arrêt, qui n'attendait pour partir que le retour du chef de gare, lequel était allé à la noce de sa femme, divorcée d'avec lui, et qui se remariait avec un cousin de son beau-frère, fabricant de tournevis électroniques. Hasdrubal fit quelques pas, puis soudain tombant en arrêt devant un wagon. Il le contempla passionnément, ardemment, pendant un bon quart d'heure. Ses yeux dilatés reflétaient un prodigieux intérêt. Retenant son souffle, le disciple sentait que quelque chose de grand allait se passer. L'instant était solennel. Et tout à coup, Hasdrubal s'écria, « Et dire que je n'y avais pas pensé plus tôt !»« Ah, à quoi donc, maître ?» fit le disciple, sur le point de s'évanouir d'émotion. « Que voyez-vous d'inscrit sur ce compartiment ?»« Réservé aux fumeurs, maître. Je ne vous le fais pas dire. Réservé aux fumeurs. Alors, vous avouerez que ce qui est vrai pour ce qui roule, l'est encore plus pour ce qui est statique. » Et c'est ainsi que, s'inspirant de ce principe, l'architecte Hasdrubal Rabindranath Duval construisit pour la première fois au monde un immeuble réservé aux fumeurs. Naturellement, fidèle à sa mission, Léon Lamigraine en avait parlé à Guy et à Sylvain. Et tout naturellement aussi, ceux-ci avaient manifesté le vif désir de visiter cette merveille unique. Léon avait fait le nécessaire et pris rendez-vous avec Hasdrubal Rabindranath Duval en personne. Et ce mercredi 16 mai, à la nuit tombée, car, avait dit Léon, c'est la nuit qu'il faut voir ça, ils arrivaient en vue de cette fameuse maison de fumeurs. Sur le seuil, un morceau de l'air aux trois quarts fumé à la main en signe de reconnaissance, le grand, le seul, l'unique, le prodigieux, le célèbre architecte Asdrubal, Rabindranath Dubal, les attendait. À suivre, à pas compter, chiffrer et répertorier. Sur le seuil de la fameuse et fumante maison de fumeurs, le célèbre architecte Asdrubal Rabindranath Dubal accueille chaleureusement Guy et Sylva. « Bienvenue à l'ordinaire !» s'écria-t-il en les apercevant, car il avait parfois, à manière de délassement, employé le langage dont usaient jadis les bas officiers des armées de l'Ancien Régime. Les présentations faites, les congratulations d'usage expédiées dans la plus pure tradition protocolaire, Asdrubal fit un geste de gracieux invite. Guy et Sylvain s'apprêtèrent à demander quelques précisions. Ils n'eurent pas le temps d'en placer une. Subitement déchaîné, Asdrubal, Rabindranath Dubal, architecte en chef du gouvernement d'autres lieux, se mit à débiter. « Et en place pour la visite, regardez bien, mesdames et messieurs, regardez de tous vos yeux. Vous n'aurez pas trop de ceux que vous avez pour voir tout ce qu'il y a à voir. Admirez d'abord et avant tout la façade de cet immeuble dont on peut dire qu'il est l'unique exemplaire existant actuellement à la surface du globe. Admirez ses proportions harmonieuses et ses lignes architecturales, construites sur pilori connexés, sur rondins entièrement pris dans la masse, soudés et braisés au chalumeau, fraisés à la boule d'acier, roustonnés à la graisse Belleville. Cet édifice comporte, ainsi que vous pouvez le constater des visu, 8 étages principaux se superposant verticalement et 4 secondaires, s'échelonnant latéralement par groupe de 2 sur les ailes de la façade annoncée à l'extérieur. Et j'attire, mesdames et messieurs, tout particulièrement votre attention sur le matériau employé dans la construction de cette maison de fumeurs. Cet immeuble est intégralement construit en pierre à briquet, ce qui le rend solide et pratique tout à la fois, puisque pour allumer sa cigarette, il n'y a qu'à la frotter directement sur les murs. On a pu joindre ainsi l'utile à l'agréable. Nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur. Par ici, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, suivez l'architecte. Totalement ahuri par ce flot de paroles, Guy et Sylvain furent littéralement entraînés à la suite de l'architecte, cependant que Léon la migraine, blasé sur ce genre de manifestation et qui connaissait la musique, demeurait prudemment sur le trottoir. « Par ici, messieurs, par ici !» beugla le plus bel l'illustre bâtisseur. « Attention, prenez garde. Il n'y a ni marche à monter ni à descendre. Ici, le sol est de plein pied, ce qui constitue une innovation sans précédent. Et voici tout d'abord Elzevir Guldebaum, le concierge. » Les deux reporters eurent à peine le temps d'entrevoir un individu quelconque vêtu d'une vareuse dont les manches s'ornaient de 2 galons rouges. « Ce sont les insignes de son grade !» expliqua Asdrubal. Elzevir Guldebaum occupe ici, en tant que concierge de la maison de fumeurs, le poste enviable et envié de caporal ordinaire. Et voici sa femme. Et il désigna une étrange créature, vêtue d'une jupe courte à ramages et d'un corsage orné de médailles et de verroteries. D'énormes anneaux de cuivre pendaient à ses oreilles, cependant que, d'un foulard violemment bigarré, sortaient des mèches de cheveux verdoyants. « C'est une gitane verte !» annonça triomphalement Asdrubal. « Caporal ordinaire et gitane verte, quelle heureuse harmonie, quelle merveilleuse conjonction. Et voici un paquet de gauloises. » Et il pointa son index en direction d'un groupe de 20 jeunes filles, serrées étroitement l'une contre l'autre, et qui tenaient, en rigolant grassement, des propos à faire rougir un fromage blanc. « Le père de ces jeunes gauloises, » précisa Rabindranath Dubal, est druide honoraire à l'enregistrement. « Admirez les tapis, admirez, messieurs, ils sont en tabac d'Orient. Nous allons à présent visiter un appartement pris au hasard et qui n'a subi à votre intention qu'une préparation spéciale. Suivez l'architecte, s'il vous plaît, et 3 étages plus haut. Constatez, messieurs, le confort de ces pièces qui sont intégralement et uniformément enfumées grâce à un dispositif fumigène breveté astucieusement dissimulé dans l'armoire à mégots. Sur les murs, messieurs, à 75 cm d'intervalle, des patères. Vous pouvez toucher ces patères fabriquées par la maison d'austère père et fils, servent à accrocher les baltos. Suivez l'architecte, messieurs, suivez-le. Il vous mènera toujours sur le chemin de l'urbanisme et de la construction. Jetez un coup d'œil par la fenêtre et admirez les jardins entièrement plantés d'herbes anicaux. Les énormes bonnes femmes qui se roulent sur les pelouses sont des pots à tabac. Un peu entré, vous pourrez voir le locataire du 5e. Ils sont habillés en égyptiens pour la raison majeure que, formant une secte à part, ils ne fument que le Nil. Poussant désinspirément une attaque brusquée, Guy parvint à articuler une question. « Alors, hurla-t-il, pour habiter ici, il faut être fumeux !»« Obligatoirement, messieurs, et nécessairement, ou à défaut, être homme ou femme de service à fumeur. Les engagements de location ne sont signés que sur présentation d'un certificat de la régie des tabacs, légalisé par un buraliste accrédité de l'arrondissement. Avez-vous vu les ascenseurs, messieurs? Non, firent évasifs les deux amis. Ça ne m'étonne pas. Non seulement ils sont entièrement silencieux, mais ils sont encore, et par surcroît, complètement invisibles. Ici, messieurs, les ascenseurs fonctionnent par succession. Et les locataires qui montent à pied s'imaginent qu'ils les prennent. Chacun y trouve son compte et les frais d'entretien s'en trouvent d'autant réduits. Voulez-vous voir la chaudière de chauffage centrale? Elle est alimentée au scaferlati. Non, c'est comme vous voudrez. À ce moment, un bruit assourdissant de tracteurs agricoles, paraissant provenir des étages supérieurs, parvint jusqu'à eux. Ne vous troublez pas, messieurs, rien d'anormal ni d'imprévu. Et simplement le dentiste du sixième qui répare les râteliers de pipe. Voilà, messieurs, la visite est terminée. Je vous conseille vivement et surtout d'admirer au fronton de cette maison de fumeur l'admirable enseigne lumineuse au néon, entièrement construite en tube d'époque sur laquelle se détachent en lettres de feu « Défense de ne pas fumer ». N'oubliez pas l'architecte, s'il vous plaît. Guy et Sylvain donnèrent chacun une pièce de 100 sous. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Excusez-moi de ne pas vous conduire, mais le balai est cassé. Yasdrubal, Rabindranath Duval, le divin architecte, leur claqua la porte au nez. Ils retrouvèrent sur le trottoir Léon la migraine qui rigolait doucement. Et tous trois détalèrent à toutes jambes. À suivre, fumeusement et tabagiquement. Aujourd'hui, à 3 mois près environ, 755e anniversaire de la bataille de Bouvines, où Philippe Auguste, soutenu par les contingents des communes de France, vainquit l'empereur Othon IV et ses alliés le 27 juillet 1214. En conséquence de quoi, Guy et Sylvain se remettent à Tôme de leur étourdissante visite à la maison de fumeur d'Asdrubal Rabindranath Duval. À la suite de cette mémorable visite dont ils conservèrent longtemps un souvenir inoubliable, Guy et Sylvain reçurent un étrange et mystérieux coup de téléphone. Il était un peu plus de minuit. Ils se trouvaient dans leur chambre en compagnie de Bethsabée Lehian et de son amie Évangéline, surnommée Centre d'accueil. Tous quatre, paresseusement étendus, prenaient un repos bien gagné, en dégustant dans des boissons réconfortantes dont ils avaient le plus grand besoin. Car la soirée avait été rude. Ils s'étaient livrés pendant 1h30 d'horloge à une de ces séances qui font époque dans la carrière érotique d'un libertin orthodoxe. En arrivant, Bethsabée s'était décrié « Les gars, ce soir, on va faire de l'obélisque stop ».« De l'obélisque stop ?» interrogèrent les deux amis. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Une nouvelle combine que je viens d'inventer. C'est du tonnerre. »« Je vais vous expliquer ça. Écoutez-moi bien. » »« Voilà. On commence naturellement par se déshabiller, mais alors là complètement, hein, en tenue légère, tout ce qu'il y a de plus légère. »« À poil, quoi ?» dit Sylvain. « Saloperie de saleté, » dit Guy. « Comment ?» fit Bethsabée outré. « Rien. Je me suis coincé un poil du nez dans la charnière de la boîte à fruits confits. Excusez-moi, continuez, Bethsabée. » »« Donc, je reprends. On se met, comme dit Sylvain, hein ?»« À poil, » répéta-t-il. « C'est ça. C'est bête, mais c'est un mot qui me choque. » Une fois dans cette tenue édénique, Sylvain monte sur une chaise et se tient debout. Guy monte sur ses épaules. Centre d'accueil sur les épaules de Guy et moi, pour finir, sur les épaules d'Évangéline. Le tout est de mieux maintenir l'équilibre en se tenant bien droit immobile. Vu ? Vu. Bon, ça, c'est le premier temps, ce qu'on appelle l'opération obélisque. Ce n'est pas le plus difficile. Le second temps, ou opération stop, est beaucoup plus compliqué. Évangéline, sur un appel du pied que tu fais sur l'épaule, crie « Hop !» Sylvain, qui est à la base de l'obélisque, frappe dans ses mains à 3 prises et moi, au fait de l'édifice, je crie « Luxor !» À ce mot, Évangéline décroche et, d'un coup de rein, se lance dans le vide. Moi, perdant mon point d'appui, je la suis automatiquement. Et vous deux, vous devez stopper notre chute en nous rattrapant au passage. Et pas avec les mains, bien entendu. Compris ? Ok. Alors, en piste. Ceux qui n'ont jamais pratiqué l'obélisque stop ne peuvent se faire qu'une très vague idée du boulot que ça représente et de l'adresse qu'il faut y déployer, sans parler du reste. Ils ratèrent l'exercice une bonne dizaine de fois. Obstinés, ils remirent ça et furent enfin récompensés de leur persévérance en le réussissant à la 11e tentative qui fut cette fois pleinement couronnée de succès. « Ah, quand même !» avait dit Bethsabée en manière de conclusion, ça ferait un sacré numéro de music hall. Donc, les quatre jeunes gens prenaient un repos bien gagné, lorsque tout à coup, et sans que personne n'ait rien demandé, la sonnerie du téléphone retentit. Sylvain décrocha. « Allô, fit-il ? » ?»« Allô, répondit du doigt mal à l'autre bout du fil. Vous êtes bien en tracé de 42-95 à Saint-Julien-les-Andos ? » ?»« Ah non, monsieur, c'est une erreur. Ici, c'est Copernic, 71-26, 2x4, à autre lieu. »« Vous êtes sûr ? » ?»« Bah, puisque je vous le dis. » Oh, monsieur, on dit tellement de choses en ce moment. Mais enfin, monsieur, s'impatienta Sylvain, puisque je vous répète que je suis Copernic, 71-26, 2x4. Ne vous fâchez pas, monsieur, mais je me trouve dans un tel désarroi, n'est-ce pas? Je me sens tellement désemparé. Enfin, oui, il est vraiment regrettable, oui, vraiment, que vous ne soyez pas en tracé de 42-95 à Saint-Julien-les-Andos. À suivre, soigneusement et méticuleusement, poil aux condiments et aux compétents. Au téléphone en liberté, un quidam désemparé dit à Sylvain impatienté « C'est vraiment regrettable que vous ne soyez pas en tracé de 42-95 à Saint-Julien-les-Andos. » Ah, « Et pourquoi donc, monsieur ?» s'étonna Sylvain intrigué. « Parce que, monsieur, si vous étiez en tracé de 42-95, ce qui se révélait là, c'est impossible, puisque vous êtes, et c'est votre droit absolu, Copernic 71-26, 2x4, je vous aurais chargé d'un message urgent. » « D'un message urgent, et pour qui, monsieur ?»« Pour Monsieur Gilles Rabouin. »« Monsieur Gilles Rabouin ?»« Oui, monsieur. Monsieur Gilles Rabouin, c'est un de mes amis. »« Et alors, monsieur, dit Sylvain, qui tout à coup, et on ne sait trop pourquoi, se mit à employer un langage précieux. »« Si j'eusse été, ce qui n'est point le cas, en tracé de 42-95, qu'eût-il fallu lui dire ?»« Pardon ?» coupa la voix interloquée. « Je m'excuse. Puis encore sur le coup d'une conférence sur l'anatomie. » Des monuments de l'ancienne Égypte à laquelle je viens d'assister. Qu'eût-il fallu lui dire en scra à Monsieur Gilles Rabouin ? Eh bien, monsieur, il eût fallu lui dire qu'un violent incendie ravage actuellement son appartement et qu'il eût été opportun qu'il rejoignît immédiatement les lieux du sinistre. Alors, dans ce cas, monsieur, je comprends et je regrette. Croyez-moi, je suis sincèrement désolé, mais malheureusement pour vous comme pour ce monsieur, je ne suis pas en tracé de 42-95. Vous n'y pouvez rien, monsieur. Eh non, monsieur, mais vous avouerez que la vie est bien mal faite. Et plus j'y pense, et plus je suis navré, car, croyez-moi, monsieur, si j'avais l'honneur et l'avantage d'être en tracé de 42-95, je me ferais une joie et un véritable plaisir d'aller sur le champ avertir ce monsieur du malheur qu'il frappe. Vous êtes bien aimable, monsieur, enfin, n'en parlons plus, c'est pas votre faute. Eh non, monsieur, et c'est bien ce qui m'enrage, car enfin, si j'étais en tracé de 42-95, je pourrais rendre à ce monsieur Gilles Rabouin un signalé service, tout en accomplissant un acte de solidarité nationale. Alors connaissant ridiculement que Copernic 71-26 2x4, pourquoi deux, alors qu'une suffirait amplement, je suis douloureusement réduit à l'impossibilité d'agir utilement. Ah, tenez, monsieur Jean Rougy, j'ai honte de ne pas être en tracé de 42-95. Et à l'ébahissement de Guy et de deux filles, Sylvain se mit à pleurer à chaudes larmes. Monsieur, monsieur, appelez la voix, je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Non, non, je me sens déshonoré, monsieur, et naturellement, ça continue à flamber chez ce monsieur Gilles Rabouin. Naturellement, est plus belle. Maintenant que c'est commencé, autant aller jusqu'au bout. Eh bien, monsieur, et Sylvain, se redressant, étendit le bras droit, j'en fais le serment sur les cendres prochaines de la maison de ce pauvre homme. À partir de ce moment, je n'aurai dans la vie qu'un seul but, qu'un seul objectif, et j'y consacrerai, s'il le faut, toute une existence de labeur et de privation. Oui, qu'un seul but, devenir à la force du poignet, en tracé de 42-95 à Saint-Julien-les-Andos. Oui, monsieur, je le jure, et il cracha dans l'appareil. « Vous y parviendrez, monsieur !» clama la voix en s'essuyant le visage. « Je l'espère, monsieur. Eh bien, monsieur, il me reste à vous remercier de votre obligeance. Du tout, monsieur, du tout. Et transmettez, je vous prie, à cet infortuné monsieur Gilles Rabouin, mes condoléances et l'assurance de ma parfaite estime. Il ne manquerait pas, monsieur. Comme il n'est pas assuré, ça lui fera quand même une petite compensation. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, monsieur, monsieur, oui. Puis-je, avant de prendre congé, vous demander un petit service ? Mais certainement, monsieur. » Ne serait-ce que pour remplacer celui que je ne peux vous rendre. Eh bien, monsieur, c'est délicat, mais je vois que j'ai affaire à un gentleman, à un homme du monde, je vous en prie. Alors, monsieur, si vous arrivez de passer du côté de chez moi, sans vous déranger spécialement, oui, et alors, Et alors, si vous allez pisser, ramenez-moi une orange. » Et la voix raccrocha. Ce qui, pour un organe vocal, est une jolie performance. Sylvain en fit autant. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» interrogea Guy, qui, comme les deux filles, n'avait strictement rien compris à ce dialogue dont ne leur était parvenu qu'une partie. « Rien de grave, » dit Sylvain, un type qui s'est trompé de numéro. « Il a fallu tout ce temps et tout ce discours pour qu'il se rende compte de son erreur. Forcément, c'est un bègue. » Et, recrue de fatigue, ils s'endormirent tous les quatre avec la sereine fierté de leur exploit accompli. À suivre avec urbanité et civilité.